Début janvier 2003, chapitre 18e, retour aux Tournelles. Du Tilleul, accompagné de Bellegarde, avait cueilli à l'aube celui qu'ils avaient baptisé le massacreur de Madot. À présent, l'individu se tenait devant eux et il n'en menait pas large. Petit, replet, rien de bien séduisant, le visage complètement défait. Du Tilleul n'avait eu aucun mal à le loger, car les informations de Madot étaient exactes. L'homme, sûr sans doute qu'elle ne porterait pas plainte, n'avait pas jugé utile de changer ses habitudes. Comme tant d'autres, au début, il avait joué l'outragé. Le « vous vous trompez de personne ». Cette attitude avait profondément dégoûté Du Tilleul. Ensuite, quand on avait enfin daigné reconnaître que peut-être, on avait alors changé de stratégie. On avait tenté la plaisanterie. On avait lancé quelques histoires bien salaces ponctuées de « on est entre hommes, on se comprend, mauvaise pioche ». Ses interlocuteurs, visiblement, ne comprenaient pas ou ne le voulaient pas. Et pour la première fois, Hector Berlioz apparut enfin pour ce qu'il était vraiment, un petit garçon. Soudain aussi, Du Tilleul n'eut aucun mal à comprendre pourquoi Madot avait craqué pour cet homme et pourquoi aussi cela durait depuis si longtemps. Il était complètement perdu, même s'il faisait tout pour le dissimuler. S'il poussait les choses un peu plus loin, Du Tilleul était sûr de se retrouver face à un vrai désespoir. Dès lors, il sut exactement comment se comporter. Il prit un morceau de papier et inscrivit un chiffre. Il avait largement réfléchi à la somme, même s'il n'en avait pas parlé à Madot, sûr qu'il était de son refus. Naturellement, cela ne couvrait pas tous les frais, que lui-même avait engagés, pas même la moitié. Mais Du Tilleul n'avait pas non plus visé le moins cher. En fait, il voulait que Madot rentre dans un tout nouvel univers, même si c'était le même appartement et le même immeuble. Il avait fait discrètement venir un architecte, recommandé par Sidoine, qu'il avait déjà fait travailler à deux ou trois reprises. Du Tilleul savait ce qu'il voulait, il avait fait un croquis grossier, et l'homme avait apporté de nouvelles idées et nombreuses astuces, à charge pour lui de trouver les entreprises et de suivre le chantier. Pour les couleurs, la chose avait été beaucoup plus simple, car Du Tilleul connaissait les goûts de Madot. Rien de tapageur. Il avait accordé un délai de 2 mois pour que tout soit remis à neuf et que les meubles choisis soient installés. Quant aux vêtements, Madot s'en chargera elle-même. Elle savait pertinemment qu'elle avait crédit ouvert chez lui, même si elle ne l'avait jamais utilisé pour l'instant. Pour la forme, le massacreur de Madot essaya bien de protester, arguant du fait qu'il aurait bien du mal à justifier une telle dépense devant sa femme. Mais devant le regard glacial de Du Tilleul, il sortit son chéquier non sans ajouter, au grand scandale de Bellegarde, qu'à ce prix-là, il aurait dû la sauter en prime. Il fut mis sans ménagement à la porte, non sans que Du Tilleul ne lui prévenu que le chèque avait intérêt à être approvisionné, sans quoi il passerait quelques coups de fil à Lyon. Même si, en l'occurrence, il n'avait pas le moindre contact. La menace, toutefois, semble à portée. Du Tilleul trouva l'information parmi les fax arrivés pendant la nuit. De prime abord, les faits semblaient mineurs. On rapportait la destruction, 3 mois plus tôt, d'une verrière qui venait tout juste d'être refaite. L'action lui parut significative, parce qu'elle se situait également dans le 14e arrondissement. Une récompense avait été promise pour toute information, mais cela n'avait rien donné. D'un autre côté, aucune autre agression de vieille femme n'avait été signalée, du moins dans le périmètre concerné. Du Tilleul s'était volontairement limité à Paris, parce que c'était ce qui lui paraissait le plus plausible. Si un club 23 avait été fondé, il y avait fort à parier que ses membres ne devaient pas s'aventurer beaucoup plus loin. À cela, 2 raisons essentielles. Tous devaient être pensionnaires, donc non motorisés, à moins bien sûr que l'un d'entre eux emprunte une voiture, ce qui pouvait toujours se faire, mais la chose était tout de même risquée. La seconde était que, vu leur milieu, ils ne devaient pas connaître grand-chose de la banlieue. De plus, les dessertes s'arrêtaient assez vite. C'est la raison pour laquelle Du Tilleul avait volontairement limité sa liste. La destruction de la serre collant plutôt bien avec l'idée qu'il se faisait du club 23, Du Tilleul se dit alors qu'il pouvait peut-être retourner aux Tournelles. Bertrand Madrier le reçut dans le même décor que la fois précédente, même s'il lui avait fallu attendre plus d'une heure dans le bureau de la secrétaire. Celle-ci ne lui offrit toujours pas un café, signe manifeste qu'il n'était pas le bienvenu, ce dont il se moquait perdument. Il eut donc tout le loisir d'examiner à nouveau la pièce et de remarquer çà et là de nombreuses taches et traces d'humidité. Il remarqua également le chauffage de fortune, les fils électriques dénudés. Dutilleul se dit avec amusement qu'il espérait bien que Madrier n'ait jamais un pyromane dans ses effectifs, car il ne faudrait pas grand-chose pour que l'endroit flambe. La voix agressive et au perché de la secrétaire commençait à lui donner un début de migraine quand Madrier daigna enfin le recevoir. La même allure sportive, la même mise en scène. On n'avait pas jugé utile de changer les livres qui étaient toujours ouverts aux mêmes pages. Bon, les parents n'étaient pas censés revenir en deuxième semaine. Par curiosité, Dutilleul jeta un coup d'œil sur les livres ainsi exposés. Deux traités pédagogiques, Le Prince de Machiavel, un livre d'exercice d'allemand niveau 6e. Sur le bureau, bien en évidence, quelques dossiers d'élèves. Sur certains, il nota qu'il y avait beaucoup de rouge. C'était sans doute là la punition suprême. L'écriture qui avait reporté les annotations était négligée. Certains dossiers accusaient de très nets signes de fatigue, d'avoir été rangés sans soin. Les pages étaient cornées. Si c'était là l'œuvre du classement de la secrétaire, elle avait décidément tout pour plaire. Jamais, pour sa part, Dutilleul n'aurait toléré un tel manque de soin. Sans doute cela venait-il du fait que les dossiers ne lui appartenaient pas. Ils étaient transmis ensuite. Il avait un jour dit à Patricia Martineau, au tout début où ils travaillaient ensemble, qu'il fallait autant que possible donner une bonne image. Elle avait alors eu un sourire très doux, et un accord tacite avait été passé. Qu'en était-il pour ici? Où donc allaient ces dossiers? Ils devaient pourrir dans une cave mal aérée, où personne n'allait jamais, puisque l'établissement ne rendait de compte qu'à lui-même et encore. Il serait intéressant, à l'occasion, de savoir si les dossiers suivaient, lorsqu'un élève changeait d'établissement. Il en doutait, mais il pouvait toujours s'en ouvrir à Charles Mercier à l'occasion. Cela ne devrait pas être trop difficile pour lui de se renseigner. Toutefois, pour l'instant, il devait se reconcentrer sur Madrier, qui devait bien se demander la raison de sa nouvelle visite. Aussi ne le fit-il pas languir plus longtemps. Quel est le statut de vos élèves? Sur quel plan? Sur celui de la pension? Eh bien, comme dans tous les établissements de ce genre, il en existe trois, externes, demi-pensionnaires et internes. Quel statut avait Pierrick Lourjade? Externe. Son père semblait vouloir garder un œil sur lui. Mais je ne sais si. Je suis au courant. Vous avait-il également chargé de le surveiller? Oui. Une demande m'avait été faite dans ce sens. Mais c'était en fait assez compliqué. Peu importe, je ne suis pas là pour cela. Quel est le statut le plus représenté? Celui des internes. Il représente pratiquement 90% de l'effectif. Pour ma part, même s'ils existent, je n'aime pas les deux autres statuts. Je les trouve bâtards, si vous me passez l'expression. En fait, l'externat est une forme de faveur que j'accorde à titre exceptionnel. Je préfère, et de loin, l'immersion totale, si vous voyez ce que je veux dire. Cela renforce tout de suite la cohésion, l'esprit de corps, en quelque sorte. On partage la même intimité, propre uniquement aux internats. La séparation avec ses racines rend plus fort. Pourtant, cela n'a pas été le cas avec Pierrick Lourjade. Non. De vous à moi, je n'en ai pas été très surpris. Pourquoi cela? Il n'avait pas l'étoffe. L'accepter comme interne aurait été une lourde erreur. Je l'avais jugé, sans même connaître les éléments du dossier. Il n'était pas du tout comme ses frères. Ça, je l'ai vu tout de suite. Il y avait comme un affaissement dans les épaules. Cela ne trompe jamais. Il partait battu d'avance. Pourtant, il s'est intégré. Oh, cela n'a rien à voir. Croyez-en mon expérience. Les ados sont très forts pour prétendre que tout va bien, surtout s'il n'en est rien. Puis, je ne suis pas naïf. Je connais très bien la réputation de mon établissement à l'extérieur. Pas totalement usurpé, d'ailleurs. En revanche, ce que l'on oublie trop souvent, c'est que certains sont bien heureux qu'ils soient là. Pour une scolarité gâchée, combien de sauvés? J'offre une alternative qui est certes ce qu'elle est, mais qui a au moins le mérite d'exister. Nous donnons un cadre qui tient à peu près la route, du moins pour presque la majorité des élèves. Une seconde chance à tous ceux que l'éducation nationale met de côté sans vergogne. Une troisième, si nécessaire. Nombre d'élèves, soi-disant perdus pour le système, parviennent au bout du compte à s'en sortir pas si mal. Beaucoup finissent par monter leur propre entreprise. Qui se soucie dès lors qu'ils aient fait quelques bêtises? Personne. le succès efface tout, les mémoires comme le reste. Savez-vous comment les parents se remémorent ces accidents de parcours? Avec émotion. On ne donnait pas cher de lui, et voyez ce qu'il est devenu. Ou encore, si j'avais su. Il était un peu agité. Mais personne, je dis bien personne, n'est désespéré. Si l'éducation nationale est assez stupide pour les éjecter le plus tôt possible, ces enfants-là, moi, je les veux. Comme Richard Dacroux? Exactement. Pourtant, j'ai pris un sacré risque avec celui-là. Viré 3 fois, mais pourquoi au fond? Parce que tout le monde a échoué à le faire travailler. On attendait trop de lui sans lui donner de méthode, de repères. En le recevant, j'ai tout de suite compris ce qui n'allait pas. Ce qui m'a permis de mettre une stratégie au point, stratégie qui commençait à se révéler payante. Plus d'écart de comportement et des notes qui lentement commençaient à remonter. Naturellement, je ne dis pas qu'il n'avait pas de lacunes, mais il aurait fini par les combler. Il était intelligent et avait de bonnes capacités. Avec un bon soutien, il aurait pu intégrer n'importe quel prépa. Quel statut avait-il? Interne. Avec lui, c'était ce qu'il y avait de plus recommandé. Ses parents étaient séparés et il en souffrait beaucoup. Il avait avant tout besoin de calme et de stabilité. Sa mère était trop stricte, son père trop pris par son travail. Pourquoi n'avoir rien dit lors de l'enquête? Qu'aurais-je bien pu dire? Je n'ai jamais compris ce qu'il est allé faire en banlieue cette nuit-là. Pour moi, et les statuts de l'établissement sont très clairs à ce sujet, toute sortie non encadrée est interdite, surtout de nuit. C'est un cas de renvoi immédiat, sur lequel il n'y a aucun recours possible. N'y a-t-il pas de ronde au cours de la nuit? Bertrand Madrier parut soudain très gêné. Normalement si, mais je dois bien avouer que depuis quelque temps, je rencontre des difficultés dans le recrutement du personnel d'encadrement, alors il y a des failles. Oui, mais les petites classes sont très strictement surveillées. Pour les sections du lycée, c'est différent, car je les considère comme des adultes. Jusqu'à Richard Dacroux, aucun incident n'avait été rapporté. Ce qui veut dire que certains élèves ont et peuvent peut-être encore faire le mur, sans que vous le sachiez. Je ne le nie pas, mais c'est très peu probable. Pourquoi cela? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout renvoi est définitif. Les tournelles représentent bien souvent l'ultime recours et les parents, croyez-moi, en sont parfaitement conscients. J'ajouterai que si un élève se fait exclure pour ce motif précis, il ferme automatiquement la porte à tous les autres membres de sa famille, ascendant comme descendant ou collatéral. Autre chose maintenant. Je ne sais si je vais pouvoir poursuivre encore bien longtemps cet entretien. Il n'y en a que pour 1 minute. Avez-vous entendu parler du club 23? Bertrand Madrier eut soudain un sourire plein de charme, qui ne devait pas compter pour rien dans son succès actuel. Naturellement. Je me dois d'être au courant de ces choses-là. Les clubs sont l'un des particularismes de mon établissement, et pour ma part, je les encourage vivement. Nos clubs sont le plus souvent liés à des activités sportives, comme le club du 7 de pique pour l'escrime, dont j'ai fait partie en mon temps et que je préside toujours. La nymphe bleue pour la natation. En tout, je crois que nous ne comptons pas moins d'une 15aine de clubs ou sociétés dans notre établissement. Pour ce qui est du club 23, je peux vous assurer qu'il n'existe plus un tel club dans mon établissement. Comment pouvez-vous être si péremptoire? Oh, c'est bien simple. Les statuts des différents clubs doivent impérativement être déposés à mon secrétariat, du moins s'ils veulent se réunir et obtenir au besoin quelques victuailles et boissons. Le fameux club 23 n'est plus du nombre. Comment? Vous ne possédez même pas une copie des statuts? Franchement, non. Pour moi, ce club 23 fait plus partie de la légende qu'autre chose. Naturellement, il a toujours fait fantasmer, moi comme les autres. De mon temps, il existait effectivement un club 23, mais il ne se montrait guère actif. Il s'agissait avant tout pour ses membres de s'habiller en blanc, fumer du hache en cachette et se saouler le plus souvent possible. En somme, rien de bien extraordinaire. Ajoutez à cela qu'il était rétrograde et vous aurez un tableau assez juste de l'époque. Non, en fait, je crois que le club 23 connaissait là sa phase ultime de déclin. Comment expliquez-vous cela? Eh bien, ce n'est pas tellement compliqué. Le club 23 s'est refusé à la moindre évolution. Ainsi, jusqu'aux dernières années de son existence, les filles continuaient à ne pas être admises. Pour ma part, je suis pour une égalité stricte dans les droits. Il est démontré depuis longtemps que les filles travaillent aussi bien que les garçons, voire mieux même. Alors pourquoi les exclure ? Pourtant, vos prédécesseurs devaient bien avoir une copie des statuts quelque part. Je ne le nie pas. D'ailleurs, quand j'y repense, cela pourrait expliquer pourquoi le bureau de ma secrétaire a été fracturé il y a environ 3 ans. Vous n'avez jamais rapporté l'incident ? À quoi bon ? C'était vraiment mineur. Nous avons cru que rien n'avait été volé. S'il n'y avait pas eu un éclat de bois un peu trop voyant sur la porte, on ne se serait probablement aperçu de rien. Qui sait où sont rangées les statues ? Personne. Et tout le monde. Je ne suis pas pour tout tenir sous clé. L'interdit entraîne les tentations. Vous n'avez jamais lu les statues ? Je vous jure bien que non. Pour tout dire, jusqu'à ce que vous le mentionniez, j'avais complètement oublié l'existence de ce maudit club. Ce qui m'allait très bien d'ailleurs. D'autres questions ? Non, pas pour l'instant. Je vous remercie de m'avoir accordé un peu de votre temps. Je souhaiterais pour ma part que vous ne divulguiez pas notre conversation. La réputation de mon établissement est peut-être ce qu'elle est, mais elle fait vivre un certain nombre de personnes. J'aimerais que vous gardiez bien cela à l'esprit. Je vous souhaite une bonne journée. En quittant Bertrand Madrier, Dutilleul se dit que celui-ci était certainement un beau salaud, mais pas un salaud intégral. Contrairement à ce qu'on aurait pu attendre, il aimait sincèrement ses élèves. Tout comme Dutilleul était sûr qu'il s'était montré franc au sujet du club 23. Pourtant, en le quittant, Dutilleul ne put s'empêcher de penser qu'il avait laissé filer un point capital. Inutile cependant de s'énerver, cela lui reviendrait. Cela lui revenait toujours. Dutilleul resta toute l'après-midi à son bureau. Il avait besoin de réfléchir, car dans sa voiture, un début de schéma s'était fait jour et il avait hâte de le mettre par écrit. À présent, il était pratiquement sûr qu'un nouveau club 23 avait été fondé. Sans doute après le vol des statues, ce qui en soi constituait une sorte de baptême. La destruction de la verrière devait faire partie des actions du nouveau club. Il y avait comme une montée en puissance dans tout cela. Un côté toujours plus, tout à fait dans le ton de l'époque actuelle. L'agression de la vieille dame était une étape supplémentaire. Vol, destruction, destruction d'une vie, sans vol. Viard risquait bien d'avoir raison quand il disait que ce serait pain béni pour les psychiatres. Décidément, cette affaire s'annonçait comme compliquée. Mais Dutilleul était déterminé à ne pas renoncer. Passe encore pour la serre. Ce n'était que du matériel. Agathe Grimbert, elle, ne méritait pas de mourir, et Dutilleul veillerait personnellement à ce que ces assassins reçoivent le juste châtiment de leur acte, même s'il devait pour cela sacrément bétonner son dossier. Même si, pour l'instant, il devait bien reconnaître qu'il n'avait rien en dehors d'une intuition que tout était lié. L'enquête ne faisait que débuter. Si seulement il parvenait à se souvenir de ce qu'il avait frappé dans son entretien avec Madrier. Plus que jamais, il avait le sentiment que c'était important. Une certaine Rosine Jonquenois se présenta au commissariat 2 jours plus tard et demanda à parler directement avec Dutilleul. Comme celui-ci avait un peu de temps, il choisit de la recevoir. C'était une toute petite personne qui portait le plus curieux des chapeaux et dans un premier temps, Dutilleul eut bien du mal à comprendre pourquoi Girardin la lui avait envoyée. Puis la lumière se fit d'un coup dans son esprit et Dutilleul la remit enfin. Une nouvelle fois, il put bénir son inspecteur, dont décidément, il devait pousser le dossier de rémunération. Madame Jonquenois était l'une des invitées du fameux dîner d'Agathe Grimbert. Sauf que nous avions convenu de nous voir la semaine suivante, car Marianne Cardot était trop souffrante pour sortir. Elle l'est toujours, la pauvre. Vous êtes naturellement au courant du décès ? Oui, je l'ai su par le journal. Quelle horrible fin ! Surtout pour une personne si gentille, qui n'hésitait jamais à aider son prochain. Vous étiez amis depuis longtemps ? Oh oui. J'ai aussi très bien connu son mari. Ils allaient bien ensemble. Un gentil couple qui ne faisait pas d'histoire. Alphonse Grimbert était un marrant, mais pas cabaleur, ce qui est rare. Ils s'aimaient beaucoup, tout comme ils aimaient beaucoup leurs enfants. Gilles et Fabrice sont vraiment charmants, toujours si bien élevés. Que pouvez-vous me dire de plus sur Agathe Grimbert ? Eh bien, pas grand-chose, en fait. Elle était vraiment une personne sans histoire. Ces derniers temps, elle perdait vraiment la tête, mais n'est-ce pas notre lot à toutes ? En tout cas, elle était restée très gaie, malgré son veuvage, et très active aussi. C'est vraiment moche de l'évoquer ainsi au passé. J'espère que vous allez trouver ceux qui ont fait cela. Nous y travaillons ardemment, Madame Jonquenois. Je vous remercie encore de vous être déplacée. Oh, il n'y a pas de quoi. Je n'ai pas dû vous aider beaucoup avec mes histoires, mais vous savez, Agathe était vraiment une très bonne amie. Elle nous manque déjà terriblement. Ne vous excusez surtout pas, Madame Jonquenois. Tout indice, si petit soit-il, peut avoir son importance dans une enquête. Dutilleul retrouva Mado avec un bonheur certain. Sa présence à l'appartement lui faisait un bien infini. Il redoutait moins de rentrer. Ses quatre murs lui pesaient moins. Pourtant, il n'était pas au mieux, et Mado, fine mouche, s'en aperçut immédiatement. Elle lui dénoua sa cravate et l'installa confortablement sur le canapé. Le contact du cuir lui parut froid, mais il ne protesta pas. Les mains de Mado commencèrent leur balai. « Détends-toi. Tu es tout noué. Tu sais quoi? Tu travailles vraiment trop, Tial. Qu'est-ce qui te turlupine? Rien. Juste une chose dont je ne parviens pas à me souvenir. Importante? Je crois, oui. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? La routine. Je suis retourné aux tournelles. Alors? J'ai raté quelque chose. De quoi parlais-tu? Attends. Laisse-moi me souvenir. Ah oui, je sais. J'attaquais par... Mon Dieu, quel crétin! Je l'ai trouvé, mon élément. Pierrick Lourjade était externe. Mado le regarda, interloqué. Quelle importance? Tu ne vois pas? Quelle est la différence entre un interne et un externe? Eh bien, si cela n'a pas changé entre-temps, l'externe rentre chez lui. Exactement. Autrement dit, il est libre de ses mouvements, en dehors des heures de cours, s'entend. Mado considéra alors Dutilleul sidéré. Qu'est-ce que ça a à voir avec ton affaire? Tout, absolument tout. Si tu pouvais arrêter de jouer les sphinx, dit Mado un peu vexé. Pardon, Mado, s'excusa platement Dutilleul. Pour l'instant, je ne peux pas t'en dire plus, mais si c'est ça... Dès le lendemain, Dutilleul sollicita un entretien avec son chef, entretien que celui-ci s'empressa de lui accorder même si c'était en toute fin de journée. Dutilleul nota au passage que Viard était assez élégant dans son costume sombre, de bonne coupe. Un air joyeux qui le rajeunissait de beaucoup flottait sur ses lèvres. Il devait s'apprêter à sortir. Dutilleul choisit donc d'être bref. La chose fut d'autant plus facilitée que Viard décida lui aussi d'aller droit au but. Que me vaut l'honneur d'une visite? Je ne vous ai guère vu ces derniers temps. Auriez-vous déjà du nouveau? Je ne nie pas que j'ai de fortes présomptions. Si ce que je pense se vérifie, cela peut être un gros coup, mais il va me falloir des preuves très solides. Viard se calma d'un seul coup. Pouvez-vous m'en dire un peu plus? Pas vraiment. Si ce n'est que je suis pratiquement sûr de savoir pourquoi Pierrick Lourjade a été liquidé. Seul problème, je n'ai rien pour étayer ma thèse, du moins pour l'instant. Qu'en est-il de la vieille dame? Vous savez qu'en haut lieu, l'affaire focalise toute l'attention. Il nous faut une belle arrestation, très propre. Je suis le premier à le souhaiter, monsieur. Eh bien, au moins, nous sommes sur la même longueur d'onde. Journal, extrait numéro 3. Cher grand-père. Les cours ont repris et c'est tant mieux, car l'inaction commençait à me taper sur le système. Le club est reconstitué et passera à l'action bientôt, même si c'est devenu plus difficile. Au fait, je ne voudrais pas être méchante, mais Madrier est vraiment naïf. Il n'a toujours pas compris comment on fait le mur. Le flic de l'autre fois est revenu rôder dans le secteur et Madrier l'a reçu pendant deux longues heures. Ça, je le sais par Irène Sablon, sa secrétaire. Une grande rousse vulgaire que son copain du moment vient de larguer. Elle avait besoin de s'épancher, et comme j'étais dans le coin... Une belle conne, celle-là, entre parenthèses. Elle n'est même pas jolie. Elle n'aime pas trop Madrier. C'est sûr, il l'a fait un peu plus bosser que son prédécesseur, avec qui, paraît-il, il suffisait d'écarter les cuisses. En tout cas, elle est franchement nulle. J'ai vu ça quand j'ai dû l'aider à se mettre à l'informatique. Elle captait rien. Avec ça, d'une paresse... Enfin, je ne devrais pas trop me plaindre, car c'est finalement grâce à elle que je suis tombé sur un double des statuts du club. J'ai eu tout à coup une envie subie de classement, qui a été très appréciée. Ainsi, j'ai pu apprendre tout un tas de secrets bien utiles et piquer quelques imprimés. Ça, c'est plutôt facile, vu que la greluche ne ferme rien à clé. D'ailleurs, je ne vois pas bien comment elle pourrait le faire, puisque plus de la moitié des serrures sont manquantes. Le seul tiroir qui ferme vraiment est celui des bulletins de notes. Je sais où elle est rangée, même si je ne compte absolument pas m'en servir. Moi, je bosse. Rien à redire sur le sujet. D'ailleurs, papa était si content de mon bulletin de notes, toute supérieure à 17, alors que franchement, je ne me fatigue pas beaucoup. Il m'a donné une rallonge de 500 euros, ce qui n'est effectivement pas mal, même s'il peut faire beaucoup mieux. Je le travaille au corps pour avoir mon propre ordinateur ici ainsi qu'Internet. L'un ne va pas sans l'autre. Comme à chaque fois que je suis de retour à la maison, j'ai toujours cette impression bizarre de ne pas être chez moi. Maman ne parle pratiquement pas, comme à son habitude. Je la trouve vieillie et fatiguée. Je me doute du pourquoi. Mon compte-père doit la tromper à nouveau. Elle fait encore un de ces régimes débiles dont elle a le secret. Pourtant, au train où vont les choses, elle pourra bientôt passer derrière une affiche. J'essaie de lui parler, mais avec papa dans le secteur, c'est mission impossible. Les fêtes l'agitent beaucoup, et j'ai du mal à saisir pourquoi. Il boit vraiment beaucoup et sa ligne commence à s'alourdir. Je me dois toutefois de reconnaître que cela lui va plutôt bien. Je l'ai toujours trouvé bien trop mince. Cette année encore, Noël a été d'un ordinaire tout à fait insupportable. Mais si l'on considère la société rassemblée, il était difficile que cela se passe autrement. Laisse-moi te décrire tout cela par le menu, afin que tu n'en perdes pas une miette. Tout d'abord, tu dois un peu t'en douter, papa avait invité Joseph. Tu ne vois pas qui c'est ? Si, voyons, son pote des Tournelles, comme il aime tant le présenter. Je ne sais pas si tu l'as croisé dans le passé, mais laisse-moi te dire que c'est un blaireau de première. Il était là, avec sa petite copine du moment, une certaine Chantal, d'une vulgarité confondante. Une blonde décolorée, certes assez bien foutue, mais qui avait dû emprunter une robe à sa petite sœur. Résultat des courses, celle-ci était tellement courte que cela permettait à Joseph de lui mater l'entrejambe sans aucune pudeur. J'étais aux premières loges, puisque maman n'a rien trouvé de mieux que de me placer entre les deux. Tu imagines ma joie? C'était si indécent que cela m'a coupé l'appétit pour tout le reste du repas. Même la bûche au chocolat n'a pas eu mes faveurs. J'ai prétexté un début de migraine pour m'éclipser au plus vite et échapper du même coup aux confidences oiseuses de cette conne de Vanessa. Parce que j'ai oublié de te dire qu'elle était là aussi, la cousine. Papa pensait me faire plaisir, tu parles. Je crois que nous n'avons pas dû échanger plus de deux mots, malgré tout le désir qu'elle en avait. Tu peux imaginer d'ici la conversation à sens unique. La dernière paire de pompes qu'elle s'était achetée, le prix, bref, tout ce que j'aime. La seule chose que je lui concède, qu'elle est assez mignonne, du moins si on aime le genre peinture lurée. En tout cas, crois-moi, la chose n'a pas échappé à Joseph qui cherchait tous les prétextes possibles pour tâter la marchandise. Tu penses bien que pour ma part, je me suis maintenu bien à l'écart, pour qu'il ne puisse en aucun cas poser ses sales pattes sur moi. Je suis passé pour froide, mais je m'en fous, j'en ai l'habitude. De toute façon, il pourrait me jeter tout son sale argent à la figure que je n'en voudrais toujours pas. Il me répugne. Pour lui, les femmes ne sont bonnes qu'être baisées. Il a donné dans ce dernier registre pendant tout le repas, encouragé par les gloussements hilards de cette Chantal qu'il a ramassée je ne sais où et qui picole sec. Cependant, la soirée n'a pas été tout à fait gâchée, car il y avait également Marie-Jeanne et Henri. Cela remontait un peu le niveau. Ils étaient accompagnés de leur rejeton qui est âgé d'une dizaine d'années. C'est un petit monstre en puissance, puisque s'il continue dans la voie qu'on lui a choisie, il ne devrait pas tarder à atteindre le quintal, sans jamais atteindre la taille adéquate. Dans quelques années, il devrait ressembler à un assez joli tonneau. Pas con, pourtant. On a pu échanger sur Harry Potter. Du moins, entre les braillements de Joseph. Tu peux donc imaginer que la conversation n'a pas été très longue, mais tout de même. Je dois toutefois te mentionner qu'il s'est produit une sorte de miracle en toute fin de soirée. Papa s'est enfin décidé à intervenir et à renvoyer un Joseph joliment éméché chez lui. Des propos acides ont été échangés. Je suis sorti de mon lit pour les écouter. Mais ce gros veau de Joseph avait tout oublié le lendemain. Dommage. J'aimerais tant qu'il disparaisse à jamais de notre périmètre. Heureusement, cependant, nous y avons échappé au nouvel an, car papa nous a fait bénéficier de places pour un cocktail dînatoire organisé par l'un de ses amis. Là, pardonne-moi de le mentionner, ce n'était plus vraiment la même musique. Club Select, type anglais, très classe. Tous les hommes étaient sapés bonbons et ne sentaient pas l'aftershave de prise unique, même si les dames étaient copieusement arrosées de parfum. Je crois pour ma part avoir eu un certain succès. J'ai beaucoup dansé et j'ai pu voir à quel point papa était fier de m'exhiber telle une bête de concours. Je m'en foutais, j'étais bien. Un peu de coke a circulé, mais fidèle à mes principes, je n'y ai pas touché. Seule maman, plus que jamais repliée sur elle-même, n'a pas pris part à la liesse générale. Je crois qu'elle nous concocte une belle dépression. Pourtant, il n'y a vraiment pas de quoi, car même comme cela, elle reste très belle. Enfin, tout ceci n'est pas mon problème, je ne peux pas tout gérer. À minuit, nous nous sommes embrassés. Papa était passablement gris et sentait la transpiration. Il a très mal conduit pendant le trajet du retour. Maman n'a pas prononcé une seule parole. Trop cool. Donc, je ne suis pas mécontente d'avoir réintégré l'atoll. Même si papa m'a appelé cette semaine pour m'annoncer qu'il avait dû faire hospitaliser maman et qu'il se tirait quelque temps pour prendre du champ. La pension est réglée et je n'ai pas à m'inquiéter. Il m'a fait un chèque que j'ai reçu aujourd'hui. Pas moins de 3000 euros, ma Z. Il doit se sentir bien coupable. Avec ce que j'ai déjà mis à gauche, je ne suis pas loin des 6000 en incluant, quelle générosité, les 15 précieux euros versés par Joseph à Noël. Je ne sais pas combien a eu Vanessa et je m'en fous, même si je sais que c'est plus. En tout cas, je vais pouvoir relancer les affaires du club, même si je ne compte pas avancer un centime dans l'affaire. Au fait, Berthelot fait chier. Il veut monter en grade. Puis quoi encore? C'était lui le blouson. Il est trop ambitieux. Quant à deux sœurs, ça va mieux. Jenny, c'était bien elle, l'a plaqué comme une grosse merde. Du coup, il est revenu pleurer dans mon giron. J'étais d'une parfaite hypocrisie. J'ai joué la bonne copine très compréhensive. On s'est vaguement bécoté. J'ai promis, une fois de plus. Seulement pour cette nouvelle action, je bute toujours sur la cible. On ne peut pas renouveler le coup de la vieille. Le mieux serait d'avoir un autre externe, mais hélas, Pardet était pratiquement le seul. Les autres sont trop cons ou trop jeunes. Dommage que Madrier n'en prenne pas plus. Il a peur de quoi? D'introduire le loup dans la bergerie? Il y est déjà, et depuis bien longtemps. Assez pour aujourd'hui.